بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc c'est la partie 46 aujourd'hui qu'on lit dans le livre de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma. Et jusqu'à maintenant on a lu plusieurs chapitres du livre. On est arrivé maintenant à un nouveau chapitre qui s'intitule التحذير من منهج بعض المخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة. C'est-à-dire la mise en garde envers la méthodologie de certaines personnes qui sont en contradiction avec la croyance de أهل السنة والجماعة. La mise en garde envers la méthodologie de certaines personnes qui sont en contradiction avec la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc on va commencer donc avec les fatwas qui sont mentionnés dans ce chapitre, et c'est bien entendu le livre en entier est un recueil de fatwas sur le manhaj. Et donc il y a quelques questions sur ce sujet-là. Là, on a expliqué la position dans le chapitre précédent au sujet des groupes et des organisations et des partis. Maintenant, on va lire les questions qui ont été posées au cheikh au sujet de certains individus spécifiques. Et le cheikh Al-Fawzan, il met en garde au sujet de ces individus-là avec leur nom mentionné. Et ce livre-là, c'est très important et c'est très bénéfique. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes prétendent qu'ils suivent les ulama. Et ils disent, nous on retourne aux ulama et on ramène aux ulama. Et ils disent des choses ou ils prétendent des choses, mais quand on regarde leur méthodologie, on voit que leur méthodologie est en contradiction avec la méthodologie de ces ulama. Donc on peut dire par la suite, après avoir lu et entendu ces fatwas-là, toi tu dis que tu suis tel ou tel savant, maintenant tu dis des choses et le cheikh, lui, on voit que sa méthodologie, elle te contredit. Hein? Donc ça c'est parmi les bienfaits de pouvoir lire et connaître ces fatwas. Non. Méthodologie, quand on dit le manhaj, c'est quelque chose qui englobe. La méthodologie, en arabe, on dit manhaj. Quand on le traduit parfois par méthodologie. On le traduit aussi parfois par la voie ou le chemin ou la méthode. C'est toutes les différentes significations qu'on peut donner au terme manhaj. Et ça comprend quoi le manhaj? Ça comprend la aqida et ça comprend la façon dont la personne a compris le Coran et la Sunna et la voie qu'elle emprunte ou qu'elle suit ou la méthodologie qu'elle utilise dans le but de comprendre et d'appliquer ces textes-là. D'accord? Donc c'est plus large que l'aqida et ça englobe beaucoup de choses, comme certains chouyouk l'ont expliqué. Yarhamukallah. Donc on va aller à la première question. السؤال. نحن مجموعة من الطلاب ندرس في المرحلة الأخيرة من الثانوية. ويوجد عندنا مدرس يوصي الطلاب وينصحهم بقراءة كتب سيد قطب ويذكر أسماءها لهم في الفصول. ثم أخذ يشنع على أحد المشايخ الذين ردوا على سيد قطب ويذكر اسمه للطلاب في الفصول ويقول هذا لا هم له إلا سيد قطب يتتبع زلاته وهو ماذا فعل مع المبتدعة وهم حوله. Okay, donc la question c'est quoi? Il y a une personne qui pose la question au Cheikh Al-Fawzan. Il dit, nous sommes un groupe d'étudiants. Et on est dans la dernière partie de notre secondaire. Les études secondaires. On a un professeur qui encourage les jeunes et qui conseille aux jeunes élèves de lire les livres de Sayyid Qutb et qui leur mentionne les noms des différents livres de Sayyid Qutb. Puis, il mentionne ça dans les classes. Puis ensuite, il a critiqué un d'entre les savants, parmi les machaires, qui ont réfuté Sayyid Qutb, et il a mentionné son nom aux élèves dans les classes, et il leur dit, celui-là, en parlant du cheikh qui réfute Sayyid Qutb, il dit, celui-là, il n'a rien d'autre à faire, que la seule ambition qu'il a, c'est de réfuter Sayyid Qutb et de suivre ses erreurs. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait avec les autres Mubtadi'a qui sont autour de lui? Donc, il essaie de glorifier Sayyid Qutb, encourager les jeunes à lire ses livres, et il critique les ulama de l'islam qui mettent en garde et qui réfutent Sayyid Qutb. Qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a répondu? Voici ce qu'il a répondu. Al-Jawab, هذا كلام فارغ لا قيمة له. ولماذا لا يوصي الطلاب بقراءة كتب السلف الصالح التي هي أنفع وأحسن وأغرز علما وفائدة؟ لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الأئمة وأتباعهم وفيها الخير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما تخصيصه قراءة كتب فلان فقط فهذا يدل على أنه صاحب هوى. كونك تخصص شخصا من المتأخرين والمعاصرين وتقول لهم اقرأوا كتبه، هذا يدل على أنك صاحب هوى مع هذا الشخص. إن كان قصدك أن الطلاب يستفيدون، فلماذا لا توصيهم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب أئمة الدعوة التي فيها العلم وفيها الخير وفيها معرفة التوحيد والشرك ومعرفة العبادات ومعرفة الأحكام الفقهية؟ لماذا لا توصيهم بهذا؟ ونحن إذا قرأنا كتب سيد قطب أو غيرها ماذا نستفيد؟ هل نستفيد معرفة التوحيد؟ هل نستفيد معرفة الشرك؟ هل نستفيد معرفة العبادات؟ هل نستفيد معرفة الأحكام والمعاملات والفقه؟ لا أظن أننا نستفيد منها هذه النوعيات العظيمة من العلم، بل نستفيد منها الحماس الفارغ والتفكير، وعليكم السلام ورحمة الله، والتكفير لعموم المسلمين والأفكار الثورية. فالناصح يوصي الطلاب بقراءة الكتب المفيدة لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم. هذا هو الناصح. Donc voilà la réponse du Cheikh Al-Fawzan. Il a dit, ça c'est une parole qui a aucun sens. Une parole qui n'a aucun bienfait dedans. Elle n'a aucune valeur, cette parole, la parole de ce prof. Pourquoi il ne donne pas le conseil à ses élèves de lire les livres des Salaf al-Salih, qui sont beaucoup plus bénéfiques et beaucoup plus remplis de science et de bienfaits? Pourquoi il ne leur a pas donné le conseil à ses élèves de lire les livres des hommes de science parmi les imams et ceux qui les ont suivis, alors qu'il y a du bien dans ces livres-là? S'il les avait incités à lire ces livres-là, il aurait été quelqu'un de très sincère et quelqu'un qui leur donne le bon conseil. Mais de spécifier la lecture des livres d'un individu seulement, ça c'est la preuve que c'est une personne qui suit sa passion. Le fait que tu spécifies de lire une personne en particulier parmi les gens qui sont venus à une époque très tard dans l'histoire de l'islam, des contemporains, et tu leur dis lisez ces livres, ça c'est la preuve que c'est une personne qui suit sa passion avec cette personne. Si ton intention c'est vraiment de faire profiter les élèves, alors pourquoi tu leur as pas dit de lire les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Pourquoi tu leur as pas conseillé de lire les livres de son élève Ibn al-Qayyim? Ou pourquoi tu ne leur as pas conseillé de lire les livres du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab? les livres, et pourquoi tu ne leur as pas conseillé les livres des imams de la da'wa, qui sont remplis de science, qui sont remplis de bien, qui sont remplis de la connaissance du tawhid et du shirk, de la connaissance des adorations et des différentes règles de fiqh. Pourquoi tu ne leur as pas donné ces conseils-là? Et le cheikh dit, nous, si on lit les livres de Sayyid Qutb, ou d'autres livres de ce genre, de quoi on va profiter? On va profiter de quoi? Ça va être quoi le bienfait là-dedans? Est-ce qu'on va profiter dans la connaissance du tawhid? Non. Est-ce qu'on va profiter dans la connaissance du shirk? Non. Est-ce qu'on va profiter dans la connaissance des adorations? Non. Est-ce qu'on va profiter dans la connaissance des règles de la charia et des règles des interactions ou dans les règles de fiqh? Est-ce qu'on va profiter là-dedans, dans ces livres-là? Non. Alors, le cheikh dit, je ne crois pas qu'on va profiter quoi que ce soit de cette sorte de ces différentes grandes sortes de sciences dans les livres de cet individu-là. La seule chose qu'on pourra profiter, c'est quoi? C'est l'excitation insensée, d'être excité, d'être énervé, de faire le takfir des musulmans de façon générale, et d'avoir des idéologies révolutionnaires, d'appeler à la révolution ce genre de désordre. Donc, la personne qui est vraiment nasih, qui veut vraiment donner la nasiha, qui est sincère, elle donne à ses élèves le conseil de lire les livres bénéfiques dans leur aqida et dans leurs adorations et dans leurs interactions. Voilà la personne qui est sincère et qui donne le bon conseil. Mais celui qui conseille aux gens de lire ces autres livres de ces soi-disant penseurs islamiques comme aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on entend? Il n'a pas donné le bon conseil, il n'a pas donné la nasiha, celui qui conseille ce genre de choses. Donc ça répond à ceux qui défendent Sayyid Qutb et qui parlent de lui, qui disent qu'ils sont salafis, puis par la suite ils disent non, Sayyid Qutb il est correct, il est bien. Ça c'est une contradiction. Et les ulama d'Ahl al-Sunnah, ils l'ont réfuté, critiqué. Donc ceux qui disent « Ah mais c'est Cheikh Rabi' hein, » parce que beaucoup de gens critiquent Cheikh Rabi' pourquoi? Parce qu'il a écrit des livres sur Sayyid Qutb. Ils disent « C'est Cheikh Rabi' qui a critiqué Sayyid Qutb. » Premièrement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Cheikh Rabi' qui a écrit des livres pour réfuter Sayyid Qutb. Il y a des dizaines de shuyukh qui ont réfuté Sayyid Qutb sur plusieurs de ses erreurs. C'est pas seulement Sayyid Qutb, c'est pas seulement Cheikh Rabi'a. Et aujourd'hui, pourquoi il déteste Cheikh Rabi'a de cette façon? C'est que les ulama, les grands ulama, en général, ils n'ont pas le temps de lire ces livres-là. Ils n'ont pas le temps de lire ces livres-là. Donc, ils les laissent. Pendant ce temps-là, les jeunes, eux, ils commencent à lire ces livres-là et les ikhwan, ils les propagent. Les jeunes se font laver le cerveau avec ces livres-là. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Quand les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y a le danger dans ces livres-là, ils posent des questions aux ulama. Mais les ulama, ils n'ont pas le temps de lire ces livres-là. Parce que ce n'est pas des livres qui ont du ilm dedans. Alors, ils ne peuvent pas mettre en garde contre le livre s'ils n'ont pas des détails et de la connaissance au sujet du contenu des livres. Cheikh Rabi', hafizahullah, c'est un des savants, parmi les savants de l'islam, qui ont, sacrifié de leur temps et de leur énergie pour justement lire ces livres-là, voir les problèmes qu'il y a dedans et avertir la Ummah, et mettre en garde la Ummah contre les dangers de ces auteurs-là. Et c'est pour cette raison-là aujourd'hui que tellement de hizbiyin, de jeunes bid'ah, sont enragés et sont en colère et ont la haine contre Cheikh Rabi', hafizahullah, parce qu'il les a démasqués complètement dans ses livres. Et il a mentionné et clarifié les égarements de cet homme-là, qui était un journaliste. C'est même pas un savant de l'islam ou de la religion, c'est un journaliste. C'est pas un savant de la religion. Mais ces hizbiyin, les gens de bid'a aujourd'hui, ils ont pris cet homme-là, ils l'ont élevé au-dessus des ulama. Et quand ils le citent, ils parlent de lui, ils le mettent au rang de l'imam Ahmad, de Ibn Taymiyyah et de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Comme si c'était un imam, comme si c'était un savant. Alors que c'était un journaliste ignorant, hein, qui a plein d'erreurs, des contradictions et des oppositions à la vérité dans ses livres. Donc, quand ils l'ont réfuté, à cause de ça, ils lui ont déclaré la guerre. Ils ont déclaré au Cheikh Rabi' la guerre. Et aujourd'hui, depuis que tu as compris les erreurs de cette qutub, tu mets en garde contre les Ikhwan et contre ceux qui suivent cette voie, tout de suite, ils te donnent l'étiquette. T'es un madkhali. Hein? Comme les soufis aujourd'hui, quand tu réfutes le soufi à une légende bid'a, ils te disent quoi tout de suite? Ah, t'es un wahhabi. Maintenant, les hizbiyin, ils font la même chose que les soufis, mais avec Cheikh Rabi'a. T'es un madkhali. Ou bien ils vont dire t'es un jami. À cause de Cheikh Mohammed Aman al-Jami, qui les a réfutés aussi. Cheikh Mohammed Aman est le cheikh de Cheikh Rabi'a. Un cheikh d'origine éthiopienne qui a enseigné des longues périodes de temps en Arabie Saoudite et qui a été glorifié par les grands ulama de l'Arabie Saoudite aussi. Donc ceux qui les critiquent, ces savants-là, c'est parce qu'ils détestent la vérité et parce qu'ils sont contre la méthodologie des grands ulama de l'Arabie Saoudite. Et ils essaient de faire croire aux gens que le manhaj de Cheikh Rabi'a, c'est pas le même que le manhaj des autres grands ulama comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, hein, et les autres grands savants. Ils essaient de faire une différence entre eux pour essayer de mettre Cheikh Rabi'a dans la marge, pour dire lui c'est un extrémiste, il est différent des autres. C'est pas vrai. Ils sont tous sur le même manhaj. Cheikh Rabi'a et Cheikh Ibn Baz. Et même quand Cheikh Rabi il écrivait un livre, à l'époque où Cheikh Ibn Baz était vivant, Cheikh Al-Albani et les autres, quand il écrivait le livre, avant de le publier, il l'envoie aux ulama, une copie, pour que les ulama lisent le livre, pour dire qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur point de vue. Et ils ont toujours glorifié et mis les éloges au sujet de ces livres-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et ils en ont profité pour justement faire des préfaces aux livres. Et souvent quand tu vas acheter ces livres-là, justement, les livres, maintenant certains livres de Cheikh Rabi'a, dans l'introduction, il y a les éloges ou les préfaces que les ulama ont envoyées au Cheikh Rabi'a pour mettre en avant de ce livre-là et pour montrer qu'ils sont d'accord avec le contenu du livre. Donc comment ils peuvent critiquer maintenant le Cheikh ou dire qu'il a un autre manhaj différent? Alors que c'est le même manhaj. Comme Cheikh Rabi', il a étudié avec combien de savants, des grands imams, des grands savants, et ces savants-là, tu peux les compter par plus que peut-être une vingtaine ou plus encore des grands savants de l'islam qui ont tous mentionné du bien de lui et qui disent de lui que c'est un grand savant de l'islam. Après, il y a quelques individus, des ignorants aujourd'hui, des hizbiyyin et des ikhwan qui l'attaquent et qui l'insultent et qui le critiquent et qui disent qu'il n'est pas un savant. Est-ce que nous on prend compte de qu'est-ce que ces gens-là vont dire alors que les grands savants ont dit de lui qu'il était un savant? Qu'est-ce que les autres disent de lui? Ça c'est pas un témoignage qui a un poids. Qu'est-ce qui a un poids? C'est la parole des ulama. Et c'est qui est-ce qui reconnaît les ulama? C'est les ulama. C'est les ulama qui savent qui est un alim. Hein? Les ulama, ils se réfèrent les uns aux autres. Et ils mentionnent les uns les autres qui sont les ulama. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.